spécialement pour vous. Hein. Faut pas s'étonner que ça fasse pas un autre son. Donc bienvenue à ce partage écoute en compagnie de Laurent Peters, alias d'Incise, ou l'inverse. Laurent fait partie de ces artistes qui écoutent énormément de musique. Enfin, j'ai remarqué ça parce que je connais son pseudo sur deux, trois trucs là, puis je vois que c'est quelqu'un voilà, qui, hein, on peut partager des sons avec Laurent, et de tout, dans beaucoup d'univers différents. C'est un artiste hyper prolifique, qu'on connaît au sein d'Insub, entre autres, et donc des projets collectifs et aussi des projets solo. Il a commencé plus la musique électronique, le dub, tout ça. Ça, c'est un truc qu'on a en commun aussi, de bien aimer le dub. Et il s'intéresse aussi beaucoup aux musiques folk, hein, de un peu consonance, je sais pas, médiévale. Enfin, on est très, ça aussi, on a ça en commun. Donc, c'est vraiment, je me réjouis d'écouter ce qu'il a à nous proposer pour cette écoute. Ça va durer une heure. Bonne écoute. Merci. Merci Marie, j'ai pris un micro comme on avait dit. Tout un truc magique. Hey, c'est fou, hein. C'est animation. J'ai hyper préparé mon discours. Alors, à la déception générale, il n'y aura pas de reggae ni de cornemuse. Donc par ce petit jeu de choisir une heure de musique, bon, j'aurais pu mettre une heure de raga indien, genre un petit raga du matin, ça aurait été parfait, mais j'ai quand même choisi plein de choses. Puis par jeu et par contexte, je suis allé chercher, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui a vraiment quand même un peu du lien avec ce que j'ai joué il y a deux jours, dans des musiques diverses. Il y a un petit fil qui s'est assez dessiné de lui-même, vous allez le retrouver. Je vais commencer par deux petits enregistrements que je vais enchaîner, je vous en dirai juste après. Yeah. première, les polyphonies, des chants de femmes, des îles Salomon, donc des îles à l'est de la Papouasie, voilà, enregistré par Hugo Zemp en 1974. Et ensuite des chants de Bolivie, très très loin dans les Andes. Je cherchais des flûtes de pan des Andes et je suis tombé là-dessus au hasard d'un disque. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, quelque chose lié au carême, je crois. Enfin, sans qu'un, sans un chant dédié à une séquelle saint. Donc il y a un petit fil un peu quand même musique rituelle, pour pas dire religieuse, dans cette sélection. Toute une contradiction peut-être. Alors la suite. Oh. vous aurez reconnu les origines tibétaines de cet enregistrement. Fait anecdotique, enfin non pas anecdotique, mais c'est le rituel des bonpos, et ça serait des origines pré-bouddhistes. C'est des chants pour des divinités dont je ne sais rien de plus. Mais... Je vais quand même faire des petits allers-retours avec des choses contemporaines et voire même d'amis proches. Prochaine pièce, c'est de Philippe Lozier, un clarinettiste qui vit à Montréal. Thank you. Shakuhachi du Japon par Monsieur Kofu Kikuchi. Ce serait du répertoire zen bouddhiste qui remonterait au 12-13e siècle. J'aimais aussi bien cet enregistrement pour sa mauvaise qualité, mais qui révèle aussi cet instrument qui joue moins fort que les moyens techniques peut-être. Ça mélange l'écoute musicale et une forme d'écoute électroacoustique. Qui reviendra peut-être dans d'autres enregistrements. La prochaine écoute, c'est un duo de Brian Ebanks et Xavier Lopez, deux musiciens qui vivent à Berlin, des choses qu'ils ont enregistrées en 2016. Ça s'appelle Natural Realms. Et c'est un disque que j'ai trouvé très frais quand je l'ai entendu par rapport à plein de choses dans la musique expérimentale. Parce qu'ils jouent avec plein de codes musicaux et en même temps avec des ils sont très aussi dans des logiques, c'est des codeurs aussi, c'est des maths et c'est de la musique et c'est plein de choses en même temps. Et ça va être super sur la Cosmobile en plus. Yeah. Thank you. un peu de gagaku, qui se traduit par, je crois, musique raffinée, de la musique de cour du Japon. Ça remonterait jusqu'au 5e siècle. Et la suite, c'est sorti en 2023. Et c'est un musicien qui s'appelle CC. Et quelqu'un qui aime beaucoup les haut-parleurs aussi. continuer avec un enregistrement qui lui... On va retourner en Papouasie avec un enregistrement qui est... qui je crois me fascine parce qu'il est justement entre un enregistrement de terrain, un enregistrement d'ethnomusicologie et peut-être une sorte de musique électroacoustique aussi due à la prise de son. Et aussi quand même le donner le contexte parce que c'est comme ça que sinon je ne serais peut-être pas, j'aurais pas accroché dessus. C'est un petit extrait de 4 minutes d'un rituel qui dure, je pense, des jours. Vous savez, pour chasser les mauvais esprits, ce genre de choses. Où il y a deux tambourinaires qui se relaient, deux qui jouent en permanence et qui se relaient toutes les X heures pour que ça s'arrête jamais. on arrive au bout de l'heure officielle. J'ai un petit bis si vous en voulez vraiment plus ou si vous voulez partir en musique, mais sinon on peut dire que c'est fini aussi. Enfin, on peut faire les deux quoi. Mais comme vous avez l'air hyper bien couché, c'est le nord de la Papouasie. Bis-bis. Un petit bis-bis, écoutez, 10 minutes de Oustad Sami, un chanteur pakistanais. C'est assez curieux parce qu'il a. Il semblerait qu'il défend une pratique vocale qui ressemble plus à celle du Drupad du nord de l'Inde, qui ça remonte aussi au 12-13e siècle. Et c'est assez spécial. Parce que j'ai l'impression que c'est un des rares au Pakistan qui chante comme ça. C'est différent des Kohali, Nusrat Fateh Ali Khan, ça, que j'adore aussi beaucoup. Et évidemment, c'est ce qu'il fait, c'est aussi, ça daterait même d'une période pré-islamique. Du coup, il n'est pas forcément très bien vu par certains extrémistes.